Radio Plus Production présente. Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine avec nos deux équipes. Alors à ma droite, vous connaissiez Al Capone, et bien nous avons Alzheimer en la personne de Bob du club. Comment, c'est qui? C'est bien, c'est que vous pouvez l'insulter, il vous en voudra pas. À ses côtés, les blagues les plus mignonnes, les petites choses gentilles. Je te rappelle que la blague de la couche est interdite. La couche est pleine. Voilà, c'est GG. Face à eux, nous avons bien sûr un permanent de l'équipe. Nous attendons avec grand plaisir, impatience surtout, de son retour sur scène. À la rentrée, promis. Ah. C'est Frédéric Couster. Non. Dis donc, applaudis toi. L'émission sera réalisée par Davy. Et animée par Philippe Bello. Ça va être bien. Alors, comme chaque semaine, Frédéric, un invité. Eh bien, c'est un revenant, figurez-vous. Ah. Non pas que ça soit un fantôme. Ah, c'est pour ça qu'il est tout blanc. Alors. Mais c'est quelqu'un qui revient nous voir. Il est déjà venu l'an dernier. Il s'appelle Arnaud Imbert. Ah, c'est vrai. Merci. Dis donc, applaudis-toi, feignasse. Et si Arnaud revient nous voir, c'est qu'il a du nouveau. Ben tiens, il va nous le dire lui-même. Arnaud revient parmi les siens. Oui, j'ai du nouveau. Surtout, je continue mon spectacle. Je joue dans un nouveau lieu qui s'appelle La Petite Loge. La Petite Loge. Oh, ça te dit quelque chose? C'est bien, La Petite Loge. On est allé voir Frédéric Couster à La Petite Loge. Je sais bien. Et après, on avait été manger. À La Petite Loge. Ils avaient fait un pique-nique. Non, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce petit théâtre. Je trouve que c'est vraiment sympa. Bob, mignon. Promo. Ah. Ouais, parce que Maurice n'est pas là ce soir. Donc, Et si c'était moi? Voilà. Ça, c'est le titre. Ouais. C'est un one-man show. Mais oui, je suis tout seul. Tu vas pas nous lire tout le flyer. Ah bah si. Hein. Comme ça laisse le temps à Bob de lire le flyer avant de le lire vraiment à l'antenne. Donc le one man show. Le regard. S'il avait eu des revolvers à la place des yeux, tu serais mort. Alors il parle de quoi ton one man? Mon one man show, c'est un peu mon regard sur le monde. C'est je parle de tolérance, de respect, de comment bien parler aux autres. Mais je dis ça de. J'ai des personnages un peu salauds et un peu méchants qui se permettent des choses pas bien. Ah, mais on aime bien ça. Alors, c'est à La Petite Loge 2. Non, c'est 2 rue La Bruyère. Ah, pardon, oui, je me suis trompé. Il est très à cheval sur la ponctuation. Il fait deux fois la même vanne, une fois à l'antenne, une fois. Le 2 est peut-être trop serré. Bob, on s'en fout. J'ai compris le message, merci. Alors, tu sais quand même. C'est 2 rue de La Bruyère à Paris. Voilà. On va te rassurer quand même. 9e. Bob, pendant l'émission, on l'entend beaucoup. Ouais. Non. À la diffusion, on ne sait même pas qu'il est là. Heureusement qu'il y a un ingénieur du son. C'est des malins, c'est tout. Alors, c'est Métro Georges. Je sens qu'on va avoir un jingle. Métro Saint-Georges. Ah bon? Merci. Un jingle. C'est pour et où, la blague de Bob vous est présentée par les ciseaux coupe-tout. La blague de Bob, sitôt racontée, sitôt coupée. Ne les écoute pas et puis souris pas, s'il te plaît. Ça s'appelle on va se marrer ou ça s'appelle on fait la gueule? Bon, bah c'est tout. Alors. Si t'arrives pas il à lire. Il est vexé. Bon, alors c'est tous les samedis à 20h, La Petite Loge à Paris. Voilà. Dans le 9e. Métro Saint-Georges. Allez voir sur mon MySpace et sur Billets Réduits, tout ça, pour voir les dates exactes. Car tu as un MySpace. Ouais. On peut donner l'adresse. Oui, il est écrit en bas du flyer, mais il n'a pas voulu le lire. MySpace.com/Arnaud Imbert, tout attaché. Voilà, je suis MBERT. Bon, t'inquiète pas, les autres, je les ferai moi. Hein. Oui, les prochaines promos, on fera. Voilà. Alors, donc, dans l'émission, tu vas voir, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Il y a toujours des jeux, il y a toujours des tournées de blagues. Alors, il y a une nouveauté, c'est les blagues qui sont envoyées par des auditeurs. D'accord. Que Maurice raconte. Comme Maurice n'est pas là ce soir, malheureusement, nous avons bien sûr du matériel enregistré à vous faire entendre, évidemment. Et il y a des épreuves. Tu verras, particulièrement ce soir, ça va être une épreuve. Et la première, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, il faut baptiser l'équipe. C'est monsieur le curé. Alors monsieur le curé va faire son serment. Car oui, mes frères et mes sœurs, il faut baptiser. Donc il faut tout baptiser l'équipe adverse pour que les auditeurs puissent suivre les points. Allez, tout le monde au faux baptisement. Alors, est-ce que tu as une idée pour le nom de l'équipe de Bob et GG? Pas particulièrement, Frédéric, tu sens comment la vibe ce soir. Alzheimer, moi je verrais bien. Bob Alzheimer ? Bob Zheimer, c'était pas mal. Allez, les Bobzheimer. Oui. Alors, t'as quelque chose de sympa pour eux ? Les Bobzheimer, et alors Bob et Gégé. Pouf, Eric. Ça, c'est bon. Allez, dans tes oreilles. Tu viens de me pouf. Ne crache pas, voilà, s'il te plaît. Pouf, Eric. C'est allez, hop, c'est parti. C'est merci. Oui, mais je vous en prie. Bon, bah, moi, je vous dis à la fin prochaine. Non, pour retenir Fred, on va ressortir un paquet de Chipster. Attends, à moi que la semaine dernière. Alors, non, c'est un jeu de rapidité. C'est un jeu de rapidité. Puisque là, je vais vous donner. Sacha Guitry. Le nom d'un héros. Et il faudra me donner le nom du roman auquel ce héros fait référence. Tout d'accord. Simplement, chaque bonne réponse, un point pour l'équipe. Il faut aller très vite parce qu'il y en a des très connus. Tu l'as, tu dis. Hein. Solal. Ah, c'est le nom de famille, ça. Oui. C'est pas la Chartreuse de Parme. Non, c'est... C'est Stendhal, Solal. Non. Je peux avoir le prénom. Le Rouge et le Noir. Non, c'était Belle du Seigneur. Ah bah oui, je l'ai encore lu ce matin. Edmond Dantès. Le Comte de Monte Cristo. On l'a dit. Le temps que ça me revient. Et Julien Sorel. Ah là, ça c'est le Rouge et le Noir. Rouge et Noir. C'est parfait. Jean Valjean. Mais c'est l'erreur. Ah bah je crois que c'est eux qui l'ont dit d'abord, il me semble. Non. Si. Frodon Sacquet. Le Seigneur des Anneaux. Les Anneaux. Oui. Bob, t'as dit que les Anneaux. Bah oui, ça arrive plus vite. Je me rappelle de sa soirée d'hier. Et Ferdinand Bardamu. Hein ? Alors là. Ferdinand Bardamu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ferdinand Bardamu. Ah, c'est quelqu'un que... Tour du monde en 80 jours. Non, Lucchini y a fait référence dans ses spectacles. Mon amour avec du poil autour. C'est un poète. C'est... Voyage au bout de la nuit. Ah, de Céline Dion. Georges Duroy. T'en as pas des connus ? Bah si. Les connus, on les a faux début. Hein. Non, non. Voilà. Georges Duroy. Bon, c'est Bel Ami. Ouais. Ah, de Flaubert. Guillaume de Baskerville. Ah, le chien de Baskerville. Mais non, le nom de la rose, tu con. Oui. Le nom de la rose. Ouais. Je vais dire une connerie, puis ça m'est revenu entre temps. Les chiens. Bon. Oh, tu me donnes un coup à boire, ça m'emmerde. Eh bien, je te rassure, Gérard, c'était la dernière. Ah bon. Donc, 4 bonnes réponses pour les Poufériques, un seul pour les Bobzheimer. Alors, chaque semaine, Maurice reçoit dans sa boîte e-mail. Non, ça c'est Arnaud. Ah oui, c'est Arnaud, mais j'explique. Des blagues envoyées par des auditeurs. Ah, c'est vrai. La boîte e-mail de Maurice. Ah, je l'ai pas. radio.ovsm@gmail.com. Exactement. Oui, il rajoute ça des fois aussi. Tu veux dire? Ce qui veut dire radio.ovsm@gmail.com. Donc récemment, vous lui avez envoyé 7 blagues et Maurice s'est donc trouvé celle-ci. Ah pardon. Et Maurice l'a raconté. Blague de Maurice. France Alzheimer présente la blague de Maurice. Mon cher Fred, j'ai 3 poussins, j'en veux que 2. Qu'est-ce que je fais ? Sur un bar. J'ai 3 poussins sur un bar. Oui, eh ben. Bah non, ah oui, ah oui, ah oui, j'ai 3 poussins sur un bar. Alors refais-lui depuis le début, hein. Mon cher Fred, j'ai 3 poussins sur un bar. Qu'est-ce que j'en veux que 2. Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas. Et j'en jette 1. Allez, on se la refait. Non, on se la refait pas. On la refait tout. On se la refait pas. Il faut faire comme l'autre. Il faut te jeter à la flotte depuis un porte-avions américain. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Ah bah tu penses. Oui. Oui, parce qu'en fait, la vraie blague, c'est. Bah, j'ai pas compris. Mais voilà, la vraie blague, c'est t'en pousses, hein. Ah oui. Là, c'est drôle. Là, c'est drôle. Ah oui, t'en pousses. Voilà, et Maurice a voulu un peu broder. Et donc, comme d'habitude. Comme d'habitude, et malheureusement. Bon. Mais il veut tellement broder qu'on l'appelle la dentelière maintenant. Bon, on va voir quand même après la pause si on est capable de faire mieux que Maurice. Donc, Arnaud, il va falloir que tu révises tes blagues. Car juste après. Ah si. Juste après la pause, ce sera la tournée de blagues. Ah ! Reste avec nous, on revient avec Arnaud Haber. Ouais. Retourne, on va se marrer avec Arnaud Haber. Ouais. Arnaud Haber et son one man show, et si c'était moi, actuellement à l'affiche, de la Petite Loge, 2 rue La Bruyère, dans le 9e, à Paris Métro Saint-Georges. C'est quel jour, Philippe ? C'est tous les samedis à 20h. Ah, très bien. Merci, Maurice. Avant, à 20h, il y avait les jeux de 20h. Oui, oui c'est non, vrai. Pas le samedi. Est-ce que, Arnaud, tu as connu les jeux de 20h ? Bien sûr, sur Internet. Il est trop jeune pour avoir connu les jeux de 20h. Ah, bah, on peut te faire un petit cadeau si tu veux, on peut te faire le générique. Ah oui. 3, 4. Et alors, on peut aussi te faire un petit extrait. Maître Capello. Oui, je remets 100 francs dans le bob du club. Ah non, il disait le Nourin. Oui, c'est ça, le Goré. Elles ont disjoncté les vieilles. Bon, eh ben on va voir si GG disjoncte ou pas. Voici la tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Arnaud, est-ce que quand tu étais venu, je pense que c'était la blague du moment. C'était pas la blague du clocher avec Maurice. Ah non, il est venu après. Il y a une abeille, je sais pas quoi. Ah, c'était Maïa l'abeille. Eh bien, Maïa l'abeille, eh bien, figure-toi que depuis, la blague a évolué. Oh là là, mais pas Maurice. Hein. Mais justement, il essaie de d'écrire des textes et de faire en sorte que les blagues soient de plus en plus intelligentes. Mmh. Voici la blague remixée. C'est pas gagné. Mon cher Romain, c'est Maïa l'abeille qui rencontre sa cousine. Comment elle s'appelle, sa cousine? Yama. Non. C'est vrai qu'on l'a jamais baptisé. Sophie, on pourrait l'appeler. Tiens, comme ça au hasard. Sa cousine Sophie. Une grosse abeille. Elle. Ah, Sophie. Marc et Sophie. Et qui dit alors c'est Maïa l'abeille qui rencontre sa cousine Sophie. Oui. Et qui lui dit j'ai internet dans ma ruche. Chouette. Alors sa cousine lui répond chouette. Donne-moi ton email. Non. Non. C'est con, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Ah oh, merci d'être venu Bob pour aller avec moi parce que. Mais on a choisi un mot facile. Oui. Il y avait pire. Hein. Oui. Donne-moi ton email. Non. Donne-moi, ça ira mieux si tu dis donne-moi ton adresse. E-miel. Donne-moi ton adresse e-miel. Voilà. E-miel. Bon, allez, alors on la coupe sinon, en montage. C'est pas drôle, alors, pour d'accord, Romain. Oui. Non, il faut pas te laisser faire, hein, parce que sinon. T'as vu le naufrage de la vieillesse. Allez, top. Mon cher Romain. Connais-tu c'est Maya. Connais-tu. Arrête. Allez, Maurice, dépêche-toi, allez, il faut qu'on rende l'antenne. Mon cher Romain. Connais-tu? Mais non, on connaît pas du tout. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, mais arrête, Romain. Oui, allez. C'est Maïa l'abeille qui rencontre sa cousine Sophie. Ah, oui. Je la connais bien, Sophie. Oui. Et qui lui dit chouette. Non. Si. Oui, chouette. J'ai internet dans ma ruche. Ah. Alors sa cousine lui dit Maïa dit à sa cousine. veux-tu me donner ton adresse email? Oh là là. Ouais, ça ira. C'est email. C'est bizarre qu'il coince là-dessus, que c'est facile. Oui. C'est avec là-dessus qu'il coince. Bah, attends, mais il coince tout le temps, oui. Bon, GG. Il grince surtout. Un couple discute après le dîner. Viens, dit l'homme, on va faire l'amour. Ah bah je peux pas, j'ai des pertes blanches. Oh, c'est pas grave, moi j'ai du diabète, on fera des meringues. Oh non, oh la classe. Ces deux potes. Eh, tu sais, je vais bientôt marier ma fille. Oh l'autre, oh putain. Non, pas celle-là, l'autre. Alors, Bob, toi qui regardes souvent la télé, tu connais Cerise du groupe AMA. Oui. Ah, alors tête à claque. Alors Bob, sache, j'ai une tête à point. Eh, si tu croises Cerise de groupe AMA avec du gazon dans la bouche, c'est pas elle. Si, c'est qu'elle vient de sucer le bonhomme de cet élève. Alors attends, parce que la dernière fois, elle a passé la nuit avec Olivier de Carglass. Et comme son trou était plus petit qu'une pièce de 2 euros, il lui a injecté sa résine spéciale. Sans compter que le mec de la MAF avait dit un jour « Je l'aurai un jour, je l'aurai !» J'étais fier de ça. Alors moi, comme d'habitude, je vais vous narrer, comme souvent dans cette émission, les aventures de la vie de Bob du Club. Ah. Alors il faut savoir que Bob du Club a une ex-femme. Ah bon ? Oui, qui s'est remariée. Ah. Et donc ça se passe au remariage de l'ex-femme de Bob du Club. Bob du club qui, comme d'habitude, se peinte la gueule à en devenir raide bourré. Il va voir le nouveau mari de son ex et il dit « Alors, ça te fait quoi de rentrer dans du matériel d'occasion ?» Le nouveau marié qui regarde Bob et qui lui dit « C'est incroyable, passer les 6 premiers centimètres, c'est flambant neuf !» Alors moi, c'est juste une citation de Frédéric Dard. Ah, notre si, maître à tous. « Si tous les cons volaient, il ferait nuit. » Oui. Il y a une autre citation de Frédéric Dard qui convient très bien à Philippe. Oui. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Elle est bonne celle-là. Alors, j'ai un petit jeu. Ah ben oui. Ah, il y avait longtemps. C'est ce que m'a dit ta femme déjà. J'ai un petit jeu, c'est le TEPA Cap. Ah. Je vais vous demander, je vais poser une question toute simple, savoir combien. Êtes-vous capable de me citer d'émissions présentées par Guy Lux qui ont eu plus d'un numéro? Ah bah oui. À votre avis, alors c'est une surenchère. C'est nous qui commençons. Alors vous, combien vous êtes capable de me citer d'émissions de Guy Lux? Deux. Bob et Gégé. Guy Lux, je sais pas qui c'est. C'est vrai qu'il a eu. Mais si, Guy Lux. Oh bah c'est votre génération, ça. Il présentait tous les trucs de variété. Bah, c'est la génération de plusieurs générations, Guy Lux. Hein. Ah oui, il est resté 30 ans, 40 au ans. Moins. Alors combien? Est-ce que vous faites 3 ou pas? 2. Non, mais 2, on a dit, nous. Non, mais 2 quand c'est même. Pas le principe des enchères, Bob. Ah bon? C'est con parce qu'il n'en a pas. Est-ce que t'en as 3? Non, j'en ai une pour l'instant. Bon, faut dire. Hein, j'en ai pas. Guy Lux, vous avez qu'une seule. Merci, je sais. Il a fait 30 ans de télévision. Oui, il en a fait toutes les émissions de variété, c'était lui. Présenté ou produit? Présenté. Les émissions de Guy Lux, présentées, dont il y a eu plus d'un numéro. Moi, j'en ai 2. Il y a Frédéric qui fait du bluff avec ses mains. Alors, Bob. 3. Ah, GG en a 3. 3. Ah, bah, nous, on dit 4. Ah! Alors, Bob, est-ce que vous pensez que vous faites non, moi plus déjà que 3, j'ai pas, j'en ai même pas une, moi, alors. Ça va me revenir quand ils vont les dire. Ah oui, c'est vrai. Bon, ah, oui, alors, vrai. Frédéric et Arnaud, il me faut 4 émissions présentées par Guy Lux. Interville. Oui. Une. Ah oui, il y avait Interville. Cadence 3. 2. Le palmarès des chansons. Ah, oui, 3. La classe. 4. La classe. Bah oui. La classe. Mais oui. Au début des années 80. Et oui. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y avait les Schmilblick. Le Schmilblick. Le Ring Parade, non? Le Ring Parade. Exact. Ouais. Le Top Club, est-ce qu'il y a eu Top Club? Non, je crois pas. Top Club, non, oui, en 78. Oui, il y a eu Top Club. Kader Roussel. Ah Kader oui. Le palmarès des chansons. Oui, la une est à vous. La une est à vous, il a présenté la une. Système 2 sur France 2, sur Antenne 2. L'auto-chanson. Le tiercé, c'est mon dada. Intercontinent. Ah oui. Non, c'est un continent qu'il a présenté à la fin. Et sa dernière émission présentée par Guy Lux, c'était en 1988. Mm. Et ça s'appelait Interchallenge. Ah, des dents. Ah oui. Hey, formidable! Philippe Bello. Bah, il a bercé. Formidable! Frédéric Koster et Arnaud Humbert gagnent le point car c'est eux qui ont cité les 4 premières réponses. Bravo! Eh bien, pour remercier Arnaud d'avoir joué à ce jeu, nous allons le solliciter juste après la pause. Je suis pas sûr que ce soit un remerciement que les artistes aiment. Pour un petit extrait du spectacle. Pour ça, les auditeurs attendent. Quand même. Mais je sais bien, bien. Donc, juste après la pause, Arnaud, un extrait du spectacle d'Arnaud Humbert. Retourne, on va se marrer avec Arnaud Humbert. Ouais, Arnaud Humbert qui revient nous voir dans l'émission car il était venu l'année dernière. On s'était déjà bien marré. C'est vrai. Et là, je pense qu'on va encore se marrer parce que si on allait faire un tour à la petite loge, Bob. Ah oui, ça serait, hein, bien, ça serait une bonne idée. Hein. Ah ouais, ouais. Tu veux dire le théâtre qui est 2 rue La Bruyère dans le 9e à Paris? Exactement. Voilà. Au métro Saint-Georges au Pigalle. Exactement. Ouais. Un samedi à 20h. C'est pas possible. Eh bien, nous sommes samedi, il est 20h, nous sommes à la petite loge. Voici un extrait du spectacle d'Arnaud Humbert. Ouais. Crédit, on rigole, j'écoute. Oui, bonjour, je suis Victor, votre conseiller bancaire. Victor Salopard. Ah non, c'est mon vrai nom. Ah oui, je suis Salopard, fils de Salopard et fier de l'être. Oh, vous savez, banquier et salopard, ce n'est pas incompatible. Non, non, si je peux vous donner un conseil, ne vous jetez pas dans la gueule du lion du Crédit Lyonnais, hein, ni dans celle du petit écureuil. Mais venez chez nous. Alors, nous sommes sur l'avenue du Général Trois Gaules. Oui, on lui a fait gagner une Gaule à la rue. Bah, elle est très contente. Hein. Et prenez la route de la banque, et pas la banqueroute. Crédit Régal, mademoiselle, Crédit Régal. Hein. Allô, ah, allô. Ah. Alors, comment ça va la retraite, madame Changan? Ah bah, faut en profiter, hein, parce qu'après, ça se passe moins bien. Je veux pas vous porter la poisse, mais vous passerez pas l'hiver. Hein. Surtout si vous êtes Changan. Crédit Régal, madame Changan, Crédit Régal. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Enfin, pour vous. Ah, mais c'est trop tard, ça, madame Changan. Mais l'argent que vous avez mis en bourse, on l'a perdu. Ah oui, oui, et bien perdu, oui. Ah, on a peut-être oublié de vous le dire. Oui, alors ça, c'est possible, oui. Ah, bah, c'est la faute à Bernard Madoff, hein, le magicien. Non, non, non, non, le vrai responsable, c'est vous. Bah, c'est votre faute aussi, hein. Fallait pas nous faire confiance. Fallait pas nous donner autant d'argent. Oui, on a insisté, d'accord, mais on vous a pas mis le stylo sous la gorge non plus. Eh ben, fallait dire stop, madame Changan. Mais quand? Avant de rentrer dans la banque. Ben, vous le savez qu'on va faire n'importe quoi avec votre argent. Vous le savez, ça c'est pas une surprise. Bon, oh, dis donc, faites pas votre mijaurée, là, hein. Le chirurgien, il vous liposuce. Eh ben, nous, on vous argent suce. Avec ou sans suce, hein. À tout, on a tout perdu, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'on s'est jamais aussi bien planté qu'avec vous. Vous êtes la première, hein. Number one. Ça vous fait plaisir, hein, vous êtes contente? Oh, Jérôme Carviel nous a appelé, il a été vexé, hein. Ah ben, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule solution, madame Changan. Eh ben, il faut partir. Non, pas de la banque, de la vie, je veux dire. Ah, mais partez, hein, foutez le camp. On écrira sur votre tombe RIB, madame Changan. RIB, hein? Crédit Régal, madame Changan. Crédit Régal, hein? MDR, comme disent les jeunes. Mort de RIB. Non, et puis, de toute façon, il y a trop de retraités, mais bien sûr, hein. Ils le disent à la télé. Bob devrait prendre sa retraite. Non, mais il y a trop de retraités. Non, ça ferait du bien à tout le monde. Allez, un petit plan condoléances pour vous, madame Changan. Pardon? Vous voulez réfléchir? Ah ouais, mais nous, on n'a pas fait ça avec votre argent, vous savez. Bon, pas trop longtemps quand même. Hein. Oui, au revoir, madame Changan. Au revoir. Et c'est tellement vrai. Excellent. Escroc. Je t'ai vu alors de suite. Oui, c'est des pages de vie. Ah, mais quelqu'un qui aurait travaillé, par exemple, dans une banque... Au hasard. Pourrait vous dire que c'est tout à fait ça. Bon, alors la suite c'est à la petite loge, à Paris. Ah oui. Bob. Alors, oh là là, c'est là, deux là, rues de la Bruyère, oui. Dans le 9e, métro Saint-Georges ou Pigalle. C'est bien. Bravo. Alors, il y a des numéros de téléphone. C'est marqué tout petit, vous avez fait exprès. Hein. C'est le samedi à 20h. Donne le site internet. 01-42-82-13-13. Alors, le www... misspace.com. Misspace. Arnaud Imbert. T'as un misspace, Arnaud. Il n'y a pas une barre oblique. Ouais. Un slash. Il y a un slash ou après le com. Non, c'est une barre oblique. Où ça? Si tu dis misspace, tu dis barre oblique, voilà. S'il te plaît. Ah, mais il n'y a pas la barre oblique. Il y a marqué misspace. Oh là là. Whiskas aussi. Oui. Alors par rapport au spectacle précédent, il y a des nouveautés, des petites choses. Bah, énormément. Là, vous l'avez pu le voir déjà. Il y a un nouveau personnage dedans. Ouais, j'ai beaucoup concentré. J'ai fait en fonction du public qu'il y avait. T'as beaucoup perdu en jeu. J'ai changé 50% à peu près du spectacle. Et au niveau du jeu, j'ai pris 50 à 80% de plus, quoi. D'accord. Bon, bah alors voilà. Si vous voulez vous marrer, hein, il faut aller courir à la petite loge à Paris. Rue La Bruyère, le samedi à 20h. Alors, j'ai un petit jeu encore pour marquer des points. Oh là. Ah, encore? Ah, oui, bah non, c'est bien, on gagne. Oui, c'est pour l'instant, il y a combien de jeux en tout? C'est jusqu'à 2-0. Il y en a jusqu'à la fin de la nuit. Vous avez pas dit jusqu'à quand c'était? Là, il va essayer de nous rattraper. Voilà. Je vais essayer de vous rattraper avec la main passe. Je vais essayer de vous arnaquer. Oui. Je vais essayer de vous faire trouver une ville. Ah, une ville. En vous donnant des informations, 10 secondes d'informations. Je vais donner 10 secondes d'informations à l'équipe des Bobzheimer. Ville française ou... Une ville du monde. Voilà. Ils vont trouver quelque chose. S'ils ne trouvent pas, la main passe. Si vous ne trouvez pas, etc. Et c'est la première équipe qui trouve qui gagne. D'accord. Donc je propose de commencer par l'équipe des Bobzheimer, comme ce sont eux qui sont menés. Et ah non, ah, d'accord. Tu vas pas te mettre toi aussi à faire pas Maurice. Alors c'est peut-être ça pourrait bon. Être Attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui, ben on t'attend. Top. Je suis une île. Je suis situé sur une île de Grèce. Sur la plus grande d'ailleurs et la plus peuplée de Grèce. L'île ainsi que celle Héraclion. Non. La main passe. On cherche une ville. Hein. Mais la plus grande île, c'est la Crète, non ? Non. On cherche une ville. Il y a pas Mykonos, tu sais, les Grecs, je connais pas. Dans ce... Mykonos ou un truc dans ce genre ? Ah bah attends, on va voir ce qu'il nous dit. Je sais pas, moi j'ai que ça en tête. Hein. Mykonos pour moi. Ah bah là-bas, c'est attendez, pas... Attendez, là-bas, je vais vous donner des informations. Là-bas, ah, il y a d'autres informations. Ah oui. Mykonos, c'est pas en tête qu'ils l'ont là-bas. Enfin, bon, vas-y. Donc, je suis donc sur une île la plus grande et la plus peuplée. Tu l'as déjà. Top d'un petit archipel volcanique comprenant quatre autres îles auxquelles on donne parfois d'ailleurs mon nom. Je constitue l'un des principaux lieux touristiques de la Grèce. Je pense pas. Mykonos ? Non. Alors, top. Avec mes villages blancs à coupole bleue perchés au sommet de falaises. Mes panoramas sur les autres îles et sur les sites archéologiques qui m'entourent, notamment ceux de la ville antique de Téra. Santorin. Mais oui, c'est Santorin. Jamais j'aurais parler. Trouvé. Pas du tout. Et quand tu vas en bateau, le bateau il se met dans la caldeira, donc au milieu du cratère. C'est dingue. Jamais ouais. Entendu parler de Santorin. Jamais. Un joueur de tennis. C'est, on oui, l'avait Fabrice Santorin. Oui, bah, c'est là qu'ils mettent l'Atlantide. Ah, dedans. Voilà. Triangle des Bermudes. Avec Patrick Dufy ? Oui. C'est la première fois que j'entends le nom de cette ville. Hein. Mais qu'est-ce non. Que tu connais comme c'est le nom de la ville et le nom de, oui. De l'île. Sparte. Non, mais Mykonos, c'est l'île des folles, c'est l'île maudite. Ankara. Lesbos. Non, mais Ankara. Ankara, oui. C'est pas en Turquie, connasse. C'est pareil. C'est pareil, c'est tous des Arabes. Alors. Oh, ils vont être contents, les Grecs. Ça va être coupé au montage. Oh, les gens qui ont pu un rond. Il y en a plein des villes grecques. Oui, mais excuse-moi, je connais pas. Corfou. Corfou. Ah oui. Ça Corfou, c'est le soir c'est après. Ça c'est le soir Grèce, après 22h. C'est là où il y avait eu un massacre à Corfou d'ailleurs. Oui. C'est pas toi ? Comment ? Qui avait massacré ? Si j'avais fait du delta plane, mon aile avait lâché. Il y avait eu un attentat il y a je sais pas 15-20 ans. Bon, eh bien ça vous permet quand même de marquer un point, ce qui est quand bien. Même pas mal. Ah, ouais, ouais. Comme ça bah oui, il vous tanne. Donc juste après la pause. Ah, c'est un jeu en une manche. Et oui, là, c'est en une seule manche. Il y en aura peut-être une autre tout à l'heure avec autre chose à trouver. Mais là, pour l'instant, c'est terminé. Ouais. Je vais donc tirer au hasard. Juste après la pause. Ouais. Non, mais, vas-y. Mais sort couvert quand même. Ah oui, et toujours. Sans changer sans l'huile. Avec Arnaud Imbert. Ah oui, pardon. Ah, mais... Retour des araignées, retour dans ma soirée avec Arnaud Imbert. Ouais. Oui, c'est vrai que Fred. Évidemment, voilà, on parlait des araignées juste avant de reprendre l'antenne parce que si vous voulez faire des petits cadeaux à Frédéric Coster, il adore les petites araignées, les petites tarentules. Je suis arachnophobe au dernier degré. Il y a des choses comme ça que t'aimes pas, Arnaud, toi ? Les mauvaises blagues. Ah bah merde. T'es mal barré. Ouais. Ah bah tiens, si ça peut te faire plaisir. Ah bah non, ça sera juste après. Mais ouais, non, il y a des trucs qui te font peur comme ça ou quoi ? Non, pas non. Les gros chiens. Ah, j'ai peur. T'as des phobies ? Les gros chiens, ouais, j'aime pas ça. Et toi, Gégé, qu'est-ce qui te. Les filles. Les gros. Les filles-ophobes. Ouais. Bon, ben bah, voilà. Moi, les filles, ça va, je prends. Oui. Ah bah, tu vas, Gégé, tu peux faire un pacte avec Arnaud. Je te donne les chiens, je prends les filles. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui te fait peur, Philippe ? De pas finir à l'heure. Et d'être coupé au montage. Ou de déborder. Mais c'est toi qui le fais, le montage. Ah bah oui, c'est vrai, donc quand même pas m'auto-couper. Ah bon, on y va ? Oui. On est prêts, nous hein. Ah, vous êtes prêts ? Ah oui, c'est vrai que c'est l'épreuve du trivial. J'ai donc tiré au hasard. Il y a qu'une manche ou alors Il y a deux manches. Il y a deux cartes. Il y a mais c'était toujours. Il y avait déjà quand tu étais venu. Ouais, non, mais il y avait. Ah bah, attends, il se deux cartes. Plus. Bah, une semaine sur l'autre, je ne me rappelle plus non plus. Six questions par carte. Une carte par équipe. But du jeu étant de répondre au plus grand nombre de questions pour marquer le plus grand nombre de points. Mmh. Si une équipe ne sait pas répondre, l'équipe adverse peut donner la réponse et marquer le point. Mmh. Règle complémentaire. Si un membre d'une équipe, quand c'est son tour... Je suis arrivé à ce moment-là. Voilà, savez... Règle complémentaire. Voilà, la règle complémentaire, c'est donner la réponse, donne une réponse cash. Dans ces cas-là, c'est 2 points. 2 points. Yeah. C'est que je fais toujours choisir Bob pour éviter les réclamations ultérieures. Oui, mais il réclame quand même. Oui, il réclame quand même. De toute façon, oui. Alors, toute façon, oui. Bob. Tu vois, oui, que tu te souviens. La question 1 difficile, la carte 1 difficile ou la carte 2 facile? Nous, on aime bien ce qui est difficile, on va prendre la 1. Hey, c'est toi qui es le con aussi. Tu crois qu'il te connaît pas depuis le temps? Oui. Alors, J'ai eu l'impression de l'avoir fabriqué. Hein. Voici pour les Bobzheimer, c'est leur carte. Oui. Les premières questions de cette première manche du Trivial. Top. Quel drapeau flotte sur l'île de Wack? Sur l'île de quoi? L'île de Wack. W-A-K-E. Bah, Wake. Le drapeau britannique? Non. Ah, ça peut être Wacké. Oui, ça peut être. W-A-K-E. Oui, ça peut être le Japon. Vas-y. Le Japon ? Non, c'était le drapeau américain. Oh, ah non, d'accord. Donc c'est le Wake aussi. Alors. Pour qui les diamants sont-ils les meilleurs amis d'une fille ? Éternel, j'aurais préféré. Pour qui les diamants sont-ils les meilleurs amis d'une fille ? Pour Marilyn Monroe. Eh bien oui, c'est correct. C'est dommage parce que moi je vous l'aurais fait en chanson. Et on sait pas, 2 points. Hein, oui, j'ai noté. Oui, ah bon, parce que moi je vous l'aurais fait en chanson. C'est 1 point là. Vas-y, fais la. C'est pas concerté. Diamonds are a girl's best friend. Non, c'est ça. Quelle est la date du. La date de péremption de Bob s'est passée depuis 15 ans. Mais il a oublié. Mais il a été surgelé, ça la va. La date donc. De quoi? Non, parce que je regardais la réponse. Oui, alors quelle est la date du jour V? Le jour V de la victoire. Une question d'histoire. Et bah c'est le 10. Attends. Le jour V, c'est-à-dire le jour de. Bah c'est le 8 mai qu'ils ont signé l'armistice. L'armistice? Alors, le 8 mai. Bah c'est la première ou la deuxième guerre mondiale? Alors, la réponse c'est. Moi je veux bien dire 8 mai 45. C'est correct. Parce que tu dis pas si c'est la première ou la deuxième. Et là, comme vous êtes un peu concerté, je suis obligé de marquer un point. Voilà. Jean-Vais. Quel était le plus sale des travaux d'Hercule? Ah. Facile. Creuser. Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit creuser. Ah non. Je sais pas. C'est à nettoyer les écuries d'Augias. C'est nettoyer les écuries d'Augias. Oui, exact. Creuser, c'est dégueulasse aussi. Si tu c'était pas un travail d'Hercule. À quoi correspond Mach 1? À la vitesse du son. C'est un rasoir. À la vitesse du son. C'est ça la réponse, ou il faut dire la vitesse? Non, c'est pas concerté. C'est pas concerté. Hein. Non, mais c'est un rasoir. Non, c'est pas concerté. Non. Et enfin. Arrête avec ta blague. Qui a remporté. C'est toi qui as donné le rasoir. Mach 1, c'est un rasoir. Mais si. C'est toi qui as rasoir. Non, dit. c'est la vitesse du son. Qui a remporté les 6 jours de Paris en 1984? Oh, facile. C'est quoi ça, les 6 jours de Paris? C'est du cyclisme. En qu'il? En 84. Ah, en 83. En 84. Ah, comment il s'appelait le belge? Oui, Tino. Ah, ou l'anglais, l'américain? Non, Ino. L'américain, c'était Nel. Non, pas Nel, justement. Non, ils ont le droit à combien de réponses comme ça? Mais il est plus récent. Là, ils se concertent. Ah, d'accord. En 84. Et après, ils vont dire, Bob va dire, on ne s'est pas concerté. Ouais. Bernard Hinault. Bon, on va dire ça. Bernard Hinault. Vous vous êtes concerté ou pas, là? Oui. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Là, on se concerte, tu sais? Non, je sais pas du tout. À l'époque, il y avait. Ah non, il avait fini Merckx déjà. C'est les années 70, Merckx. Un des grands concurrents d'Hino, c'était Jobs Zoetemelk. On va dire Jobs Zoetemelk. Oui, c'était l'équipe Valais Franc. Oui, d'accord. Fallait savoir que ça jouait par équipe déjà. Moi, je suis pas très calé en pédale. Eh, quand même. Moi non plus. Alors qu'il est l'équipe Poufféry qui a 6 points dans la cagnotte. Et de l'autre côté, il y a 7 points. Ah, donc ça vous a marqué 6, ça vous a bien fait remonter. Il faut pas qu'on soit, ça sert à rien qu'on soit à égalité ce soir. Il y a pas Maurice pour ni oui ni non. Si, parce qu'on peut l'appeler sur son portable. Ah, c'est pas faux. Non. Il donc est là, pas si là, il ne fait partie d'aucune équipe. Temps, on a gagné. Alors votre carte. Si, on va. Votre carte va débarquer dans quelques instants, mais avant cela, avant de trouver la deuxième carte, voici la tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Est-ce que vous savez que Maurice aime la musique ? C'est pas vrai. Si, écoutez. Je suis allé à un concert de Hip-Hop. Oh, de Hip-Hop. Hip-Hop. De Hip-Hop. Oh, la sirène. Oh là là. Voilà. On a la sirène là maintenant, ça y est. De I.O. J'avais pas compris. Il chantait quand il y a yaourt. Bon, alors commence là, Boris. De hip-hop. Alors vas-y, alors vas-y. Je suis allé à un concert de hip-hop de légumes. Ah, de légumes. Ah ouais. Et j'ai vu une carotte rappeur. Mais ça me fait pareil. Je crois que ça serait. Mais je crois que ça serait plus drôle si tu disais j'ai vu une carotte râpée. C'est désolant. Alors GG. C'est le Père Noël qui débarque en Éthiopie. Oh non. C'est le Père Noël qui quoi ? Non. Ce qui est dramatique. C'est le Père Noël qui débarque en Éthiopie. Ah. Je crains le pire. Ah ben bien. Mais pourquoi ces enfants sont-ils si maigres ? Mais Père Noël, c'est parce qu'ils ne mangent pas. Ah, ils ne mangent pas ? Pas de cadeau. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Alors, vous savez, on compare souvent le mariage à une loterie. Mmh. Ah. Eh bien, c'est une erreur. Ah. Eh oui, c'est une erreur parce que à la loterie, parfois, on gagne. Ça sent le vécu aussi. Yvette. Quel comédien. Yvette. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde, il y a ton mari qui va se jeter par la fenêtre. Oh putain. Dis à ce con qu'il a des cornes, pas des ailes. Alors, moi, je vais me faire des copains. Tout le monde sait ce qu'est un goy. Un goy, oui. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas juif. Voilà. Et donc, c'est un jeune goy qui fréquente la fille du rabbin Goldenberg. Oh là, quelle erreur. Et il veut se marier avec elle. Eh oui. Mais pour se marier... il faut aller demander la main de la jeune femme au papa. Eh oui. Donc le jeune goy va voir le père, le rabbin. Et le rabbin lui dit, tu sais, nous sommes juifs. Et nous avons une forme particulière de les faire les choses. On dirait que ça aille. Oui. C'est son mari. Si tu veux te marier avec ma fille, tu dois d'abord passer une petite épreuve. Tiens, prends cette orange et reviens demain. Alors le mec, il se barre. Le lendemain, un peu surpris, mais enfin bon. Le lendemain, il revient, le rabbin dit, très bien, qu'est-ce que tu as fait de l'orange ? Ben, je l'ai mangé, j'avais faim. C'est très mauvais, très mal. Tu vois, chez nous, on épliche l'orange, je vais le faire à la popec. Chez nous, on épliche l'orange. Avec la peau, on fait une délicieuse liqueur. Ensuite, on coupe l'orange en deux, on en donne la moitié aux pauvres, et l'autre moitié, c'est pour nous, la famille. La moitié des pépins, nous les vendons au marché, et l'autre moitié, on les garde pour semer les graines. Tu vois comment c'est comme ça que ça se passe chez nous. Ah, bon. Tiens, je vais te donner une autre chance. Prends ce saucisson et reviens demain. Le gars, il prend le saucisson. Il revient le lendemain. Alors, qu'est-ce que tu as fait du saucisson ? Et le mec, il le regarde droit dans les yeux, il fait « Avec le cordon, j'ai fait des lacets pour mes pompes. Avec le petit métal, j'ai gravé un pendentif pour votre fille. J'ai coupé le saucisson à moitié. J'ai donné une moitié aux pauvres et l'autre moitié répartie dans la famille. Ah, très bien, très bien. Et qu'est-ce que tu as fait de la peau ? Avec la peau, j'ai fait un préservatif. J'ai tiré un coup avec votre fille et je vous apporte le lait pour faire un yaourt. Amis de la poésie, bonsoir. Bon, alors Arnaud, c'est à toi. Oh, elle est pas si poétique que ça. C'est une citation de Woody Allen. La dernière fois que j'ai pénétré une femme, c'était en visitant la Statue de la Liberté. C'est vrai que ça fait 40 ans qu'il est en psychanalyse. Woody Allen. Bon, alors Arnaud, là, dans quelques instants, il va falloir faire fort puisque c'est votre carte. Ah, c'est la deuxième manche du Trivial, la carte de l'équipe des Poufs Eric. qui sont menées par les Bobzheimer. Juste après la pause et toujours avec Arnaud Humbert. Retour dans Vince Marais avec Arnaud Humbert. Ah mais Maurice est revenu. Oui. Mais tu sais que tout le monde imite Maurice maintenant. Bah, j'en reviens pas. Tout le monde arrive à l'imiter. Ouais. On répète pour quand on sera dans son état. Dans très longtemps. Elle précise. Voici votre carte. Oui. Puisque vous êtes mené, attention. Mais oui. D'un point en même temps. Oui. Bob va bien sûr regretter de ne pas m'avoir écouté. Ah bah tant pis. Quand il va entendre cette première question. Ah, Santorin. Quelle est la capitale qui se dresse au confluent du Nil bleu et du Nil blanc? Tiens. Ah, du Nil. Je croyais d'une île. Non, du Nil. Le Nil. Le oui, Nil. La rivière. Entre le ciel et le ruisseau, là. Oui. Oui. Du Nil bleu et du Nil blanc. Lequel? Vous vous êtes consulté là. De toute façon, c'est pas ça. Donc. Non, c'est pas ça. Cartoon. C'est correct. Non. Si, c'est pas correct, cartoon. C'est deux points. Khartoum. C'est Khartoum. Oui, et on t'emmerde. Quel metteur en scène a dirigé deux versions muettes et parlantes des 10 commandements? Cécile B2000. Ça, c'est facile. Oui. Même moi, je savais ça. Oui, moi aussi. Quel est le groupe qui a kidnappé et assassiné le premier ministre italien Aldo Moro? Les Brigades Rouges. C'est vachement fastoche. J'aime bien Arnaud me regarder. Cécile B2000. Excuse-moi, j'y vais. Je l'ai. Quelle ville assiégée est tombée devant un cheval de bois? Non, c'est dégueulasse. Mais attends, salope. Ah non, pas les gâteaux. C'est traduit en japonais maintenant cette émission. Mais pas les gâteaux. Il fallait le dire en même temps, tu le savais. On aurait fait deux points. Quel mammifère vit le plus longtemps? Pardon, excuse-moi, tu disais quoi? Quel mammifère vit le plus longtemps? La tortue loot. C'est un mammifère, la tortue. Ah, tout à fait. Tout à fait. Non, c'était pas notre réponse, hein. On se consulte. Qu'est-ce qui peut vivre très longtemps? Un éléphant, ça vit longtemps? Non? Qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi pas une baleine? Et pourquoi pas l'homme? Non. Donc il y a des choses qui vivent plus longtemps que l'homme. Qu'est-ce qui vit plus longtemps que l'homme? La tortue. Mammifère. Ah. Non, ça alors, tout le monde sait que c'est un reptile, la tortue. Il me faut une réponse. Ah, mais c'est peut-être la tortue ninja. Non, je sais pas. Bon, l'éléphant. Non. Je ne sais pas. J'hésite beaucoup. Quel mammifère vit le plus longtemps? C'est pas les baleines? Si, je pense que c'est les baleines. Je pensais aussi. Parce qu'ils ont un cœur qui bat très longtemps. Mais ça vit combien d'années, une baleine? Je sais pas, elle a quel âge ta femme? Elle a quel âge ta femme? Bah, si elle se fait pas pour tuer. Pour moi, 80 ans, donc l'homme vit plus longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire la baleine? Mais j'y crois pas, hein. Bon, on va dire la baleine. Oui, eh bien, c'est Arnaud Humbert qui avait raison. Oh merde! C'était l'homme. Ah oui, tu vois. Dans quel pays se trouve le circuit automobile d'Anderstorp? Bah, il a arrêté. Oui, parce que c'est Anderstorp. On lui a dit Anderstorp. Anderstorp. Anderstorp, qu'est-ce que ça peut être Anderstorp? Ça peut être la Hollande. Avec un nom comme ça. L'Allemagne, mais c'est un circuit, c'est pas forcément de F1. Oh, si. Non, ça doit être un circuit aussi. Aussi. Parce qu'en Belgique, ça s'appelle, je sais plus comment, mais c'est pas. Comment tu dis? Spa. Oui, c'est ça. C'est le truc où il y a un jacuzzi. Les Pays-Bas? Non. Moi, je vois que l'Allemagne. Hein. Moi, je pensais à l'Afrique du Sud, mais bon. L'Allemagne, on va dire Allemagne. Mmh. Et c'était la Suède. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal. Ah, ils ont remonté. 12 à 9. Ah, vous avez bien remonté là. Hein. Mmh. Pour monter le niveau, une petite tournée. Encore ouais. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Je vais être à sec, moi, à force. Ah bon? Ah, mais c'est vrai que Maurice, qui n'est pas là, grâce à la technologie, a plein de blagues sur le cinéma. Ah, elle est morte. Quand est prévu le retour de jeudi ? Non, non, mais non, mais non. Le retour du Jedi. Ah, du Jedi. Star Wars. Ah ! Oui, entre mercredi die et vendredi die. Non, non, non. Et puis tu la fous sur un pilier, ça fait Lady Die. Il a été payé par Rire et Chansons. Quand est prévu le retour du Jedi? Tu sais ce que c'est le retour du Jedi? Oui. C'est quoi? Entre mercredi. C'est quoi le retour du Jedi? Ah oui. Quand est prévu le retour du Jedi? Ah, on sait pas, on sait pas. Entre mercredi et vendredi. C'est bien, bon. On va continuer. Ouais. Et il nous a toujours pas dit s'il savait ce que c'était. Non, il sait bien sûr que non, il sait pas. Sinon, il l'aurait dit. Moi, j'ai bien aimé la dernière fois quand GG, parce que comment il y avait un extrait d'un spectacle et que Maurice avait pas compris. Et GG qui dit de toute façon, quand t'emmènes Maurice au spectacle, c'est comme si t'emmenais ton chien. Oh, c'est distingué. C'est vrai. Sauf que le chien il pisse pas par terre. Oui. Allez, GG. À nous. Oui. Pourquoi les écolos rêvent-ils d'attraper la lèpre? Je crains le pire. Pour devenir biodégradable. Ouais, ouais, ouais. C'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Elle est très bien, cette madame jolie. Moi aussi, je suis marié. Ah, merde. Ah. Ouais. Enfin, j'avais une excuse. Hein. Ouais. La vaisselle n'existait pas encore. Woody Allen, c'est très court. L'argent est plus utile que la pauvreté, ne serait-ce que pour des questions financières. Alors, juste dans quelques instants. Vous voulez une autre histoire ? Non, je voudrais pas une autre. Non, non, ça va. Merci. Allez, par contre, on aimerait bien un autre petit extrait, c'est possible ou pas ? Bien sûr. Bon, alors vous restez avec nous, juste après j'ai la pause. Une super idée. Nouvel extrait. Des photos de bébés. D'Arnaud Haber. Ouais. Retournons à se marrer avec Arnaud Haber. Ouais. Une émission présentée par Fantomas. Oui, parce qu'on en parlait pendant. Tiens, est-ce que t'es fan un petit peu comme ça de Louis de Funès? Oui. J'aime beaucoup Louis de Funès. Ouais. Ah, quel est ton film préféré de Louis de Funès? Attention, parce qu'il y a deux écoles. Mon film préféré Louis de Funès. Moi, j'adore ce qu'il fait lui. C'est compliqué. Non, mais je sais pas, t'as pas un film mais mythique, film fétiche, culte que tu revois avec plaisir. Non, mais moi j'adore les. C'est pas un bon film, mais j'adore les gendarmes. Non mais c'est pas. Il peut pas s'appeler. Non pas les chaises. Mais tout le monde s'appelle pas Philippe Bello non plus. Non, excusez-moi, Cruchot, mais déjà le France est un grand bateau, mais avec vous, il est immense. Là, c'est le Sun Deck. Oui, oui. Là, c'est le Véranda Deck. Oui. Et puis là, c'est un deck normal. Ah bon, bah alors, là, on y va. On les connaît par cœur. Oui. Ah oui, les gendarmes. Moi, c'est Joe, mon préféré. Joe? Monsieur Joe. Non, je ne vois pas. J'ai beau chercher, je ne vois pas qui c'est. Mais cherchez mieux. Ah oui, monsieur Zou, ah oui, bien sûr. Ah ben, je vous présente mon avocat, maître Bob Duclair. Attends, je prends un avocat, Sacre-Antoine. Salomon est juif. Ah oui. Alors, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je crois que c'est celui-là mon préféré. Salomon, vous êtes juif? Oh, il est extraordinaire. Celui-là, il est extraordinaire. Toute votre famille? Oui. Mmh. Bon, bah, je vous garde. Je vous garde quand même. Je vous garde quand même. Écoutez, il y a une bande de moricots. Monsieur le commissaire, c'est vous? Oui. Oui. Il y a une bande de moricots qui sont en train de s'entretuer dans l'usine de chewing-gum. Mais ils sont où? Ils sont là. Voilà. Voilà. On va peut-être le couper au montage. Donc t'as bien fait de nous parler de brancher les... Non mais c'est lui, c'est Davy qui a branché. Enfoiré. Eh ben ça nous a mis, ça t'a chauffé un peu, remarque peut-être. Ouais, oui. Voilà, ben voilà, comme ça maintenant que t'es bien chaud, tu peux peut-être nous faire un petit extrait du spectacle, qu'est-ce que t'en penses? Exactement. Allez, on retrouve Arnaud Haber sur la scène dans Vasse-Marais. Oui. Hello everybody, how are you? Still okay, yeah. Alors là vous êtes en train de vous demander, mais d'où lui vient cet accent parfait? Eh bien, cet été, j'ai testé les vacances dans un pays à risque, l'Angleterre. j'ai pris l'Eurostar, et l'Eurostar, c'est le train qui fait ça. Il passe sous la Manche. Ah oui. Ah oui. Oh oui, c'est très visuel. J'étais obligé de mettre ma sœur aux enchères sur eBay pour ça. Bon, ils ont pas voulu parce que ça faisait fuir les gens. Alors, je lui ai demandé d'aller tapiner un petit peu, quoi. Ah. Non, je rigole. Ça m'aurait rien rapporté. Alors, j'arrive à Sainte-Pancras et on m'accueille avec l'hymne national anglais. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu le circus là-bas, surtout à Piccadilly, parce que j'avais deux canifs dans mon sac, dont un petit couteau de 3 cm. Alors les Anglais, 3 cm, ça leur fait peur. Parce qu'à ce moment-là, il y a la chef de la douane qui arrive en furie. Alors tu prends Mousse Diouf. Tu vois qui c'est Mousse Diouf, Fanny ? Tu lui rajoutes des bigoudis, un maquillage bleu et un porte-voix dans la bouche. Put your hands up! Put your hands up! Drop your pantaloon par terre! Drop your pantaloon par terre! Shut up! Just shut up! Don't address me la parole, Christopher Noy, before come colleague inspect your luggage. Bon, bah, donc là, ils ouvrent mon sac, et mon sac à dos, c'est comme un sac à main de femme, il y a toute ma vie dedans. Et il m'a foutu un de ces bordels. Oh. Mais bon, lui, il était plus calme, hein, une voix douce, rassurante. No problem, no problem. If you cooperate, not gonna kill you. Not gonna kill you. Coco, mais Kilki, mais vous êtes malade. Et alors à ce moment-là, il y a Mousse-Mousse qui revient, Mousse-Mousse qui s'emballe. Chandar, put your finger in the monsieur's face. Ah non, non, non, non, non, oh, on ne touche pas à mon visage. Je suis comédien. No, je l'avais dit à le fesse, le cul. Ah non, non, non, non, non, no finger non plus. Let my cul out of trouble. You know, I have no problem. No problem. What that? Ah merde. Préservatif. Condom. Ah merde, elle doit pas connaître ça. balloon. Water balloon. Drop and boom, explode. Bah rigolo. Make it rigole. Instastan. Et alors là, ils mettent mon couteau dans un bocal à couteau. Non mais ça va, attendez là. Vous nous avez déjà pris Trafalgar, Waterpool, Cindy Sanders. Ah non? Ah bah vous devriez. Non, et puis maintenant mon couteau c'est bon quoi. Écoutez, jeune homme, il faut connaître les lois quand on va dans un pays. Si vous continuez, j'appelle la police. And you stay in England forever. Forever, c'est-à-dire tout le temps? Forever, ever. Ah d'accord, non bah gardez-le alors. Yeah sure, ok, full account now. Full account. Voilà, premier contact avec l'ennemi. Alors tout le monde sait que Paris-Greenwich niveau fuseau il y a un décalage. Mais ce que tu sais pas Bob, c'est que quand t'arrives à Londres il y a vraiment une heure de décalage. Les gens mettent une heure à répondre à ta question. Wow. Wow. Wow. Non ça décale beaucoup là-bas hein. J'ai essayé de demander mon chemin dans la rue. Bon j'ai demandé une heure avant bien sûr. Mais j'ai hésité avant de poser la question. Parce que les Anglais d'un point de vue physique c'est hostile. Tu sais pas trop. Mais en fait les Anglais c'est comme des igloos. Froid à l'extérieur, mais chaud à l'intérieur. On n'est pas écouté en Angleterre. Si, ah la suite, c'est au théâtre de la Petite Loge à Paris. The Small Loge. Tous les samedis à 20h. The Small Drinking Room. Oui. La Petite Loge, c'est 2 rue de la Bruyère, dans le 9e. Non, c'est pas 2 rue de la Bruyère. 2 rue la Bruyère. Oui, c'est pas ton Maurice. Oui. Métro Saint-Georges ou Pigalle. Ah, exactement. Qu'on se le dise. Donc plein d'autres personnages dans ce spectacle d'Arnaud. C'est samedi à 20h. Oui. Alors, juste après la pause, ça sera la deuxième manche. Arnaud avait oublié, subitement il vient de se rappeler dans quel traquenard. Mais c'était. Oui. Je sais bien. Mais oui, alors juste après la pause, on aura la deuxième partie de T'es pas cap, deuxième manche qu'on n'a pas eu tout à l'heure. Ah. Et toujours. Sans changer l'huile. Avec Arnaud Humbert. Oui. Retour on va se marrer avec Arnaud Humbert. Et si c'était moi, c'est le titre de son spectacle actuellement à l'affiche à Paris au théâtre de la Petite Loge de rue La Bruyère. Oui, tous les samedis à 20h. C'est un spectacle que tu as écrit entièrement. Du 9 au 16 juillet. Du 8 au 16 juillet. C'est un spectacle que j'ai co-écrit entièrement. On a écrit à deux avec un ami qui s'appelle Nicolas Van Beveren qui est passé dans un duo Guano et Nico, je sais pas si vous vous rappelez. Ah oui, ah d'accord. Voilà. Ah oui, on s'était bien marré avec eux aussi. Oui, oui, tout à fait. Et alors, les inspirations vous viennent d'où avec ton co-auteur De la vie de tous les jours, des gens qu'on croise malheureusement. Des voyages en Angleterre. Le voyage en Angleterre, c'est vraiment une histoire vraie. Donc, mais vous pourriez faire un petit sketch sur votre passage dans On va se marrer, puisque vous êtes passés tous les deux avec des petites imitations de Maurice. Vous grimez en vieux. C'est pas drôle. Alors, j'ai la deuxième partie de T'es pas cap, donc la deuxième manche tout à l'heure. Je savais bien qu'il y avait une deuxième manche. Et voilà. Et là, cette fois-ci, je vais vous demander combien, à votre avis. J'espère que c'est un truc que j'ai vécu dans ma vie, parce que Guilux. Là, je vais. Oui, Guilux. Non, mais là, ça va être simple. C'est de la géographie. C'est les émissions de Alors, je vais proposer à Bobzheimer. Oui. À votre avis, l'équipe des Bobzheimer, combien de départements de la région Poitou-Charentes êtes-vous capable de me citer? Ah bah ça va pas monter. Je connais rien à la campagne, ce que tu me parles, toi. Bah, le Poitou-Charentes, tu l'adores. Mais c'est le truc de la folle, là-bas, oui. Non, mais merci. J'en sais rien, moi, Poitou-Charentes. Alors, combien de départements êtes-vous capable de me citer? Bob, toi qui es très fort en géographie. Un. Alors, est-ce que les Poufériques sont mieux dotés? Deux. Bob, est-ce que tu penses que, en réfléchissant bien, Poitou, Charente. Il y a le Poitou, il y a la Charente. Il y a la Charente-Poitou. Combien de départements? Oh, il y a des villes célèbres quand même. Angoulême, La Rochelle, Sainte. Allez, trois. Ah! Alors, est-ce que vous êtes capable de faire mieux que trois? Moi, je laisse. Non, moi, je laisse. Mais déjà, les deux, ils les avaient pas. Bah, moi, j'ai même pas le 1, donc. Si, 1, j'avais. Mais. Alors, donc, vous laissez la main. Non, je laisse la main. Alors, le bras, moi. Il me faut les trois départements que vous vous êtes engagés à nous donner. Il y a la Charente-Maritime. Une. La Charente. Deux. Du cours. Il n'y a pas la Vienne dedans? Peut-être. La Vienne? Trois! Oh là là là là! Bravo, GG! Mais la Vienne, j'étais pas sûr. Et qu'est-ce qui nous manque? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? T'as dit quoi, La Rochelle? Il y a La Rochelle, Angoulême. Les Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres. Il n'y en avait pas plus? Non, il y en avait quatre. Ah ouais? vous auriez dû dire 5. Ça m'aurait fait rire, oui, qu'ils en aient donné 5. Alors, j'ai un autre petit jeu qu'on fait rarement. J'aime mais bien. Que j'ai toujours sous le coude quand je sais qu'on a des invités qui aiment la chanson française. Oh non. Ah non. C'est quoi? C'est un jeu très facile puisqu'il s'intitule Paroles sans musique. Ah putain. Je vous lis des paroles d'une chanson très connue. Oui. Et la première équipe qui me donne le titre de la chanson et le nom de l'interprète. Il faut les deux, évidemment. Gagne le point. Donc, je vous lis ces paroles. Mmh. Très, très. Si possible, d'ailleurs, pas avec le rythme correct. Absolument pas. Est-ce que tu vas chanter, là? Non. Non, c'est sans musique. Le vent dans tes cheveux blonds. C'est beau la vie, Jean Ferrat ou Isabelle Aubray, comme tu veux. Moi, j'hallucine. Le vent dans tes cheveux blonds. On écoute Jean Ferrat en direct. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon. Quelques mots d'une chanson. Oui. Que c'est beau la vie. Fred est communiste, c'est pour ça qu'il connaît sa partie. Jean Ferrat. Le vent dans tes cheveux blonds. De toute façon, nous, on n'aime pas les rouges. Le vent dans tes cheveux blonds. Deuxième titre. Oh là. Bolchevique. Ferrat lui-même était plus communiste depuis longtemps. Hein. Oui, bah, c'est facile de dire ça une fois qu'on est mort. Ferrat, c'était plus le drapeau noir. Hein. Fin des années 80 déjà. Oui, c'est ça c'est vrai. Je marche. CF, sa chanson Le Bilan sur son album. Je marche. Là, c'est une chanson que tu vas trouver. Hein. Je marche dans tes rues. Qui me marche sur les pieds. Je bois dans tes cafés. Je traîne. Paris de Marc Lavoine. Oh, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah ben, t'as voulu jouer. Ah, mais là, ce serait pas. Bah oui, faudrait l'air, là. Ouais. Le refrain, ça fait Paris, Paris, je t'aime, Paris, tout ce que tu veux, tadidadi. Ah bah, on connaît non, pas. Regarde pas, je connais fou, pas. Moi. Oh là, là. Bon, allez, une dernière. Ah, vous me demandez, ah, ouais. Hein, mais là, j'aimerais bien que ce soit Arnaud qui trouve quand même. Ah ouais, mais là. Non, mais Arnaud, il est aussi consterné que nous. Oh, bah oui. Hein. Non, je suis pas consterné. C'est non, bien non, il a posé des questions pour que Frédéric gagne. Non, il est content. Arnaud est content d'être dans la bonne équipe. Non, mais c'est lui qui écrit les textes que Philippe lit après. Alors, une dernière très connue. Ah. Nous étions jeunes. Et large d'épaule. Ah merde. Bandit joyeux, insolent et drôle. On attendait que la mort nous frôle. Au petit jour, on quittait l'Irlande. Et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. La mer revient toujours au rivage. Dans les blés mûrs, il y a des fleurs sauvages. N'y pense plus, tu es de passage. Le Connemara? Non. Non. Ami, sais-tu que les mots d'amour... T'arrives au refrain ou... voyage mal de nos jours. Je l'ai sauté le refrain. Ouais. Ah, tu partiras encore plus lourd. Au petit jour. Au petit jour. toujours pas trouvé ça, non, là ça me dit rien par contre. Ça me dit rien. Avec la musique peut-être, non. Et le refrain, tu l'as fait? Ben, je voulais pas faire parce qu'il y a le titre dans le refrain. Ouais, mais il n'y a pas le chanteur. Trouve le chanteur aussi. C'est ça. Ah, Bernard Lavillier. Ah oui, mais c'est un autre. On the road again. D'habitude, Fred ne gagne qu'au jeu de cinéma. Non, mais on voit bien que tu prépares. On voit bien que tu prépares l'émission. Pour que Fred puisse gagner. Voilà, oui, Arnaud là, avait bien raison au début d'émission. De toute façon, Bob râle toujours. Voilà. Et ben, il va moins râler parce que là, il a sa blague à faire. Ah, j'en ai une très bonne sur les photos de Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Un type se fait accoster par une pute. Allez. Ça faisait longtemps. J'ai déjà fait. Alors chérie, on monte. Et combien c'est, demande le mec. 500 balles. 500 balles? Mais c'est vachement cher. Ouais, mais à ce prix-là, je te fais le coup de la campagne électorale. Alors le mec, un peu intrigué, il monte. Et dans la chambre, il se déshabille, commence à se caresser. Et le gars dit, bon, bah on y est, alors c'est quoi le coup de la campagne électorale? La fille enlève alors son œil de verre et dit, allez, bourre-moi le crâne. Oh, mais classe, distinction et poésie. Oh là, c'est pas possible. Une citation d'Alphonse Allais. Ah merde. Eh oui. Les jambes permettent aux hommes de marcher et aux femmes de faire leur chemin. Oh. Quand même une histoire de pute. Alors ça me survend. Ah tiens, à propos de pute, ça me survend de pute qui est bien passé 8 jours de vacances à Dourdan. Bonjour à nos amis. Très beau petit village, Dourdan. Très joli. À côté de Paris, enfin pas à côté, mais. Très loin de Paris. Un trou paumé. Et donc un soir, il y a un château du 13e. Voyez-vous, n'est-ce pas, un soir, j'ai voulu aller me faire une pute parce que vraiment je m'emmerdais dans ce trou perdu. Et donc je vais dans le village et là je trouve dans un vieil hôtel borgne aux trois boulets, on m'indique qu'il y a donc une pute au dernier étage de l'hôtel. C'est à côté de la pizzeria Le Bras Zéro. Oui, c'est juste en face. Et donc, on m'a dit qu'il y a une pute au dernier étage qui ne prend que 9,80€. Ah. C'est quand même pas cher. Ah, c'est pas ça, pas fait cher. Ça fait un ticket restaurant. C'est correct. Voilà. Donc, je monte au dernier étage de cet hôtel borgne. Et là, j'ouvre la porte. Et j'aperçois sur le lit un tas d'immondices. Enfin, un tas d'immondices. C'est-à-dire que la pute, elle devait avoir 70-80 balais. Elle avait déjà bien servi. Bien servi. Donc je me dis, putain, oui, bon, non, faut pas faire non plus le difficile. 9,80€. À ce prix-là. À ce prix-là. On ferme les yeux. Bon. Donc je lui demande. Oui, parce qu'il y avait une odeur nauséabonde qui se répandait dans la pièce. Oui, ça va, allez. Et je m'approche et je lui demande à cette brave femme, qu'est-ce que je peux faire pour 9,80€? Alors elle me dit, bah écoute mon petit chéri, pour 9,80€, tu peux me brouter Minou. Ah. Oh. Alors moi, je cherche le chat dans toute la pièce. Minou. Elle me dit, mais non, mais Minou, c'est ça, là, c'est là. Elle dit, bah, ah oui, pardon. Et nous, en Belgique, Minou, c'est un chat, c'est pas une minoute. Alors, donc, du coup, je commence à me mettre au travail et je m'aperçois qu'il y a des trucs qui bougent. Des espèces de Pac-Man. Des Pac-Man avec des pattes. Philippe. Et ça grouille. Philippe. Alors, je me retiens, je dis, mais attends, quand même, c'est pas possible, mais c'est des morpions. Mais quoi? Pour 9,80€, tu veux pas des gambasses non plus? Il faut quand même savoir que nous avons des auditeurs en Belgique. Oui. Tu peux te foutre de les GG avec son histoire de couche. Ouais. Oui. Mais... Ah oui, elle est plus harde. C'est un best-of, là. C'est quoi l'histoire de couche? Non. Alors, c'est un cambrioleur qui rentre dans une maison. Il arrive en face du coffre-fort et dès qu'il est en face du coffre-fort, il entend « Jésus, te regarde !» Il regarde autour de lui, il n'y a personne. Bon, il recommence. Il commence à... Je vais le faire à la Philippe. « Jésus, te regarde !» Il commence à se demander ce qui se passe. Il regarde partout et derrière un rideau, il découvre un perroquet. Le mec, il est soulagé, il dit « Allez, non !» C'est toi qui arrête pas de répéter Jésus te regarde? Ouais! Et tu t'appelles comment? Coco! Bah, tu trouves pas que c'est un peu con comme nom, Coco, pour un perroquet? Et toi, tu trouves pas que c'est un nom à la con, Jésus, pour un pitbull? Alors, je vais vous faire bosser un peu là. Ah! Alors, monsieur et madame, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, si vous trouvez, vous êtes fort. Monsieur et madame, Oka de Tours ont un fils. Oka de Tours ont un fils, comment l'appelle-t-il? Oka de Tours. Oscar. Oscar, Oka de Tours. Ah non, ça marche pas. On sait pas. Mm-hmm. Vas-y. Adémar, Oka de Tours. Bon, eh bien, Arnaud, il faut là bien se préparer psychologiquement. Oui, prépare-toi psychologiquement. Car en fin d'émission, généralement, Frédéric nous le sort. Oui, le petit quiz. Oui, son petit quiz, oui. bien sûr. Donc, papier-crayon, le petit quiz de Frédéric, c'est dans quelques instants et toujours avec Arnaud Humbert. Oui. Retour, on va se marrer avec Arnaud Humbert. Oui. Alors, Arnaud, on nous a dit qu'il était incollable. Eh ben, on vous a menti. Pas du tout. Incollable avec dans les petits quiz. Tu l'avais fait le petit quiz de Fred la dernière fois. Ah ouais, j'avais dû faire un. Sur 10. Il y en a déjà qu'on fait zéro. Hein. Oui. Mais on les dénonce. Je me suis vanté. Hein, c'est peut-être moi qui ai fait zéro. Qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir? Alors, Arnaud, est-ce que tu peux me rappeler le titre de ton spectacle, s'il te plaît? Et si c'était moi? Eh bien, on va faire un quiz moi. Moi. Bah oui. D'accord. 8 extraits de chansons dont les chanteurs disent moi. Ah d'accord. Le mot moi. Bah, faut trouver les huit noms. Bob, le premier extrait, tu connais, bien sûr. Bah, je sais pas, j'ai pas entendu. Le jingle, idiot. Les vamps sont de retour. Allez, c'est parti. Moi je joue à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous? Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus eux, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez. Mon homme à moi, c'est pas un homme comme les autres. Faut voir ses bras et sa petite gueule de faux apôtre. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Papa, maman, l'abonnez-moi. Des gens comme nous, il y en a des tas. On achète à tempérament. Papa, moi, l'abonné, maman. L'été, on va au Sable d'Olonne. Papa, maman, moi et la bonne. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes. 700 millions de Chinois. Et moi. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie. Le dernier extrait, c'était spécial dédicace à Philippe Bello, c'est sa grande amie. Arnaud ? 1, 2, 3, 4, oui. 5, c'est sûr. Il y en a un, et le sixième, je ne retrouve pas son nom, mais je sais. C'est lesquels que tu ne sais pas ? Le dernier, je sais pas. Non, le dernier, maintenant. Le dernier ! Téléphone-moi ! Et l'autre, j'ai tenté chevalier, mais je crois pas trop. On fait comme Maurice ? On la décompose. Voilà. Gégé, t'as trouvé le 1, hein ? Oui, c'est le jingle. Bravo, oh, Gégé. Ah, ils suivent, excellent. Hein, quand même. Moi, j'arrive pas à suivre. Allez. Alors, Bob, si tu veux bien, Arnaud, on va laisser Bob dire le premier, puisque c'est, ah, il aime bien dire des gros mots. Oui, bah, c'est un gros mot. C'est la Brigitte Bardot, la vilaine. Ah, oh, ouais, Brigitte Bardot. C'est toi qui imites Brigitte Bardot. Alors, Bob, le 2. Je sais pas. Je l'ai pas reconnu. Grégoire. Ah, tu l'avais, Arnaud? Non, j'ai mis Maé. Ah, pourtant, attends, je mets des trucs pour les jeunes aussi. Grégoire. Hein. Ouais, mais j'écoute pas c'est ça. Grégoire. Moi, c'est Grégoire. Oui, bah, en ce moment, il carte. C'est un garçon, ça, qui chante. Oui. C'est vieux, ça. Oh, bah oui, quand même. C'est vieux, tu dis? Ouais, ça a 3 ans. Bah, celui d'après, c'est quoi, alors? Si Grégoire, c'est vieux, ça. Ça, c'est, oui. Mais j'ai tenté Cordy. Bravo! Cordy, très bien. Tu vois, tu reconnais les vieilles, mais tu reconnais pas les jeunes. J'ai tenté Paradis. Bien. C'est la petite Paradis. Oui, Madame Depp. Ah, j'avais pas reconnu. Bon, ça, le prochain, on va le laisser pour Bob. Hein, parce que... Oui. Bah, c'est un Bob aussi. Des gens comme nous, il est très amoureux. Oui, j'ai trouvé. C'est Robert l'amoureux. Robert l'amoureux. Ah, bah, ouais, c'est l'excellent ça. Robert l'amoureux. Le papa, maman, ouais, la bonne. Déshabillez-moi. Oh, quelle voix. Je retrouve pas son nom, c'est Saint-Germain-des-Prés. Ouais, voilà. Juliette Gréco. Voilà. C'est Juliette, oui. Ne soyez pas con. Voix pure, hein. Alors, est-ce que Bob a réussi à retrouver le nom du suivant? Oui, c'est le père. Le père du trou. Du trou? Non, du tronc. Ah! J'ai peur. Et si tu veux bien, Arnaud, on va laisser la dernière pour Philippe. Ah, hein, je veux bien, je connais. Parce que c'est son idole. Aide-moi et dis-moi que tu m'aimes. Bon, son nom avant que ça finisse vite. Nicole Croisy. Ah, excellent. Eh ben bravo. Bravo. Eh, hey. Pardon. Hey. Oh. Ah oui, j'ai oublié les acclamations. Ah oui, les acclamations de Don Saluste. Ah, oh. Viva Don Saluste, ah, alias Frédéric Coster. Viva Don Saluste. Bien. Monsieur est beau. Oui, mais ça c'est pas une flatterie, c'est vrai. Ah pardon. Alors encore une référence. Monsieur est grand. Oui. Ah bon. Pour avant de refermer l'émission, oui. On n'a pas malheureusement eu ce soir de roulette russe et de photo mystère non plus. Ni de photo mystère. Ah c'est vrai qu'on a mystère à la radio. Tu connais pas le jeu de la photo mystère? Ah c'est non, dommage. J'ai du mal à voir le concept. Alors le jeu de la photo mystère, c'est qu'en fait on confie à Maurice une photo mystère qu'il doit décrire en 10 secondes à son équipe pour les faire trouver. Pour que Bob trouve. Donc il a 10 secondes de chrono, il doit donner des informations précises et importantes. Voilà ce que ça donne. Alors, et c'est toi Maurice qui dit top chrono pour éviter toute contestation. T'es prêt GG? On y va. Alors top chrono. Une idée, j'ai bon. La première photo mystère souplie cachetée pour 10 secondes des infos pour ton équipe. Moi, je le vois d'ici, Maurice. Top chrono. Allez. Alors, qu'est-ce que je donne? Des infos pour ton équipe. Ah, des infos. Ah, bah, qu'est-ce que je donne? Des infos. Alors, c'est un film. C'est fini. Alors tu as dit qu'est-ce que je donne? Des infos. Qu'est-ce que je donne? C'est un film. C'est un film. Oh là là. Super. Merci Maurice. Donc, prêt, GG. Dès qu'il a les infos, 10 secondes Maurice. Tu dis tes tes machins avant d'envoyer allez, le chrono. Ben ça, allez, chrono, c'est parti. C'est un animal. C'est génial quand même. C'est génial. Un animal. Ah oui. Ah bah déjà, on a avancé. Vraiment... Voici les 10 premières secondes d'information top. Ah non. Ça, non, non, c'est un faux départ. Ça, je n'en veux pas. C'est un faux départ, Philippe. Les 5 secondes de blanc. On va soyons fair play, c'est un faux départ. D'accord. Allez. Bon, allez, alors, est-ce que je propose que tu dises toi-même top chrono. Allez, on y va en régie. Non, envoyez. Top chrono, on a dit. Top chrono. Ah bah. Parle, idiote. Allez. Alors, ça a une couleur verte. Ça peut être un légume. Alors, ça a une couleur verte et ça peut être un légume. Démerdez-vous avec ça. Alors, ça Bob et GG. Oh, ça peut être un poireau. Ah ben non, ça peut être un légume, donc c'est pas un légume. Non, non, ça peut. Il a dit ça peut être. Bah juste, c'est pas forcément un légume. Non, pas forcément. Sinon, il aurait dit. Alors, c'est un légume. Dans sa bouche, ça peut être de la vache. Pas sûr, Bob. Pas sûr. Alors, vous nous proposez. Bah, je sais pas. De la vase. De non, la, non, de non, Maurice. Non, c'est pas ça. Et alors, c'est pas alors qu'est-ce, qu'est-ce qu'on dit de la vase, vous avez dit. Oui. La vase, oui. D'accord. Hein, c'est pas sûr. Un haricot. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas... Ah, alors, pour 10 secondes de nouvelles informations, toujours pour la même photo, Maurice, tu dis top chrono, pourquoi? Alors, top chrono. Allez, c'est de la famille des cornichons. Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle? Vous sentez... Est-ce que vous sentez notre désarroi? Donc, tu as vu ce que c'était que la photo mystère? C'était quoi alors? C'était un alors, pour raconter à Arnaud, il a dit à un moment aussi, oui. Pour le même indice, le légume en question. On peut le manger par la bouche. Oui. Non, ça se mange aussi ça par la bouche. Ça se mange aussi par la bouche. Il faut savoir que la réponse, c'était un concombre. J'avais trouvé. Moi, je veux pas, j'avais trouvé. Je veux pas tout savoir. Bon, alors, on compte sur toi pour revenir faire une partie de photo mystère avec Maurice. Ah, oui. Ah, ça serait une bonne idée. Hein. Mais en attendant, on va te l'envoyer, hein, puisqu'il n'est pas là ce soir. Je pense que samedi prochain à 20h, on pourrait envoyer Maurice à la petite loge. Non ah, bah tiens. Ah, oui. Non, ne faites pas ça. Ah, bah si. Ah, si. Si il a voulu, tu l'auras. Venir à 22h. Donc, samedi prochain à 20h, on a rendez-vous à la petite loge pour Et si c'était moi, avec Arnaud Imbert. C'est 2 rue La Bruyère, dans le 9e, métro Saint-Georges ou Pigalle. Bien. Bon, si vous voulez en savoir plus sur l'actualité, sur ce que tu fais, le MySpace. myspace.com/Arnaud Imbert, Imbert, H-U-M-B-E-R-T. C'est comme Imbert. Exactement. Comme les salaisons Imbert. Et puis, le site qui cartonne bien, c'est billetsrédu.com. Voilà, là aussi, la FNAC, tout ça, vous pouvez réserver vos places pour aller voir le spectacle d'Arnaud. Bah, si vous avez envie de rire, c'est samedi prochain à la petite loge à Paris. Oui, on y sera. Merci, tous. On va se marrer. Ah oui, une chose importante que j'ai pas dite. C'est les scores. Ah bah tiens. Mais on a gagné. Donc je suis revenu pour ça moi. C'est pas important. Les Bobzheimer, vous avez quand même marqué dans l'après-midi ou dans la soirée 10 points. Ah, pas mal du bravo tout. Bravo, 10 points. Quel talent. Mais vous êtes écrasé par les Poufféric. Ouais. Non, 15 points. Ah, 15 points. Ouais. En rappelant que Frédéric a le triomphe modeste. Oui. Le podcast, c'est sur iTunes. Les anciennes émissions, c'est sur onvasemarrer.com. Et la page Facebook du groupe On va se marrer pour les photos de l'émission, c'est sur Facebook, le groupe On va se marrer. Merci de votre patience. À la prochaine fois. Une production Radio Plus.